Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. De Constantinople, la Byzantine, à Istanbul, l'Ottomane, comment cette grande cité, édifiée de part et d'autre du détroit du Bosphore, est-elle devenue une ville référence dans le monde islamique, à côté des Samarcandes et Ispahan, puis au-delà de ce monde, ville référence aussi par rapport aux autres grandes cités de renom? Au-delà des rapports entre palais et ville, sous l'Empire ottoman, quelle histoire sociale peut-on faire de cette capitale à l'époque moderne, à la croisée de deux continents, l'Europe et l'Asie? Sanjay Subramaniam, titulaire de la chaire d'histoire globale de la première modernité, qui se partage entre l'Université de Californie à Los Angeles et le Collège de France où il est professeur invité depuis 2013, se penche sur le cas de Constantinople devenu Istanbul dans le cadre de sa série intitulée « Les plaques tournantes de l'histoire globale 16e-18e siècle, carrefours et lieux de rencontre ». Après Lisbonne et Goa hier, ville musulmane conquise par les Portugais, voici Constantinople qui va passer des chrétiens byzantins aux musulmans ottomans en 1453. La ville est alors isolée. Sanjay Subramaniam rappelle les crises majeures qui ont précédé cette conquête. L'attaque par les Arabes en 673-677 et la prise de Constantinople par les croisés entre 1204 et 1261. S'il y a des destructions avec l'arrivée des Ottomans, il note aussi la transformation des bâtiments dont Sainte-Sophie et le Fleuron et comment ces bâtiments byzantins ont pu être aussi une source d'inspiration pour le nouvel empire. Après les Portugais, notre historien qui aime décentrer le regard, changer les points de vue et observer les points de connexion et d'interaction entre différentes sociétés et cultures revient donc ce matin sur les Ottomans. Dans le cours qui a ouvert cette série sur l'histoire des villes, Sanjay Subramaniam a rappelé comment la ville musulmane avait toujours posé problème par rapport au modèle imaginé parfait de la ville occidentale. Il avait cité André Raymond qui a publié « Ville musulmane, ville arabe » et je reprends l'extrait ce matin. Ne trouvant dans les théories de Max Weber sur l'évolution des villes occidentales rien qui puisse s'appliquer aux villes qu'ils avaient sous leurs yeux, les spécialistes, ce fut en particulier le cas d'un Jean Sauvager en Syrie, ne pouvaient que constater qu'ils avaient affaire à un type d'urbanisme qui ne se définissait que par l'énumération morose de tout ce qui lui manquait, la régularité et les institutions de la ville antique et les chartes et les communes de la ville médiévale. André Raymond écrit encore « La ville n'est qu'une non-ville, l'urbanisme musulman qu'un non-urbanisme ». La première étude de cas avait donc porté sur une ville jugée plus marginale, bien qu'importante symboliquement, la Mecque, et l'historien notre Sanjay Subramaniam, croisant de nombreuses sources, témoignages, cartes, représentations, avait contourné les stéréotypes et rendu sa vivacité à la ville sainte. Quelle lecture dès lors pouvons-nous faire de Constantinople qui devient Istanbul et de ses mutations du flamboyant centre byzantin où la présence vénitienne très affirmée a été portée par les privilèges commerciaux obtenus en 1082 à la capitale ottomane qui fascine, le sultan régnant depuis le palais de Topkapi, édifié sur l'acropole où il domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara à l'époque moderne. Au-delà des intrigues de palais et de vizirs se déploie une ville de guildes, de petits métiers et de fêtes, nous dit Sanjay Subramaniam, à partir de laquelle il serait possible de faire émerger une histoire sociale dans le glorieux XVIIe siècle d'Istanbul. Pour cette histoire au long cours, nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 février 2017, aujourd'hui, des villes et des empires, Constantinople, Istanbul. On a donc le choix de toute une série de ces villes fortifiées quand on regarde l'Empire portugais en océan Indien, c'est-à-dire des villes reprises et reconstruites, transformées, des petites fortifications où on va plaquer une fortification portugaise sur une ville déjà existante. Ça, c'est une ville qui existait au Kerala, dans les alentours de Calicut, qui s'appelle Chaliam, où les Portugais avaient bâti une forteresse, mais qui n'a pas duré très très longtemps. Et bien sûr, il y a peut-être l'exemple le plus célèbre, qui est l'exemple donc de Malacca, sur la péninsule malaise, et cette ville donc qui a joué un rôle très important, disons plus ou moins à partir de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. C'était le centre d'un sultanat qui dominait la péninsule malaise, mais aussi une partie de Sumatra. Et puis, les Portugais l'ont pris en 1511. Ils l'ont gardé pendant 130 ans, jusqu'en 1641. Et pendant cette époque, ils ont donc, comme ils avaient l'habitude de faire, utilisé des éléments de la ville existante, mais aussi transformé la ville jusqu'à un certain point. Voici une version de cette ville de la plume de Gaspar Correia, ce chroniqueur qui était aussi quelqu'un qui savait très bien dessiner. Ça serait donc Malacca, selon lui, dans les premières décennies du XVIe siècle. Mais on sait que petit à petit, cette ville a été transformée. Une partie des raisons ressemblait pas mal à des raisons pour la transformation de Goa, c'est-à-dire on a chassé les musulmans. Donc il y avait une communauté très importante des musulmans gujaratais, mais aussi des musulmans javanais qui ont été obligés de quitter la ville. Puis, la seule communauté importante qui est restée dans cette ville, parmi celles qui dominaient au moment de la conquête, c'était les Tamouls. Mais même eux, ils étaient progressivement marginalisés. Et donc, on voit petit à petit la transformation de cette ville qui devient une espèce de ville fortifiée, dominée par les Portugais, qui résident à l'intérieur donc, de l'enceinte, mais qui ont aussi leur jardin, ce qu'on appelle en malais les dusun autour. Puis, il y a aussi progressivement la construction des églises, des paroisses, les freguesias, qui sont de plus en plus nombreuses. Et finalement, on sait que cette ville, qui était une ville florissante en 1511, était devenue une ville assez pauvre en 1641, au moment de la conquête hollandaise, parce que progressivement, en fait, la présence des Portugais a fait en sorte que la ville n'a pas pu retenir son importance économique, comme les autres ont voulu quitter la ville pour s'installer ailleurs, notamment, par exemple, dans la ville de Aceh, qui se trouve sur le point nord de Sumatra, par le nord, là-bas. Alors donc, ça c'est une espèce de développement possible qu'on peut faire en prenant donc d'un côté une ville comme Goa, qui en quelque sorte est le miroir de métropole, puis d'autres villes qui ont beaucoup moins de succès, et on peut donc faire une espèce d'étude comparative des villes à l'intérieur de l'Empire. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est de ne pas continuer sur cette histoire des Portugais. C'est peut-être un thème sur lequel je vais revenir plus tard, en pensant plus de la présence portugaise dans l'Atlantique. En fait, je veux passer à un exemple qui est tout à fait autre, mais je pense qu'il y a un exemple qu'on ne peut pas éviter de traiter si on veut faire quelque chose de sérieux sur les plaques tournantes de l'époque moderne, sur les grandes villes. Et bien sûr, il faut qu'on revienne vers les Ottomans. Alors donc, on avait déjà traité une ville qui en quelque sorte était une ville ottomane, qui est La Mecque, mais La Mecque était considérée comme relativement marginale dans le monde ottoman pour deux raisons. Parce que tout d'abord, c'était une ville arabe et pas une ville qui était dans le monde turc, pour ainsi dire. Et même les Mecquois avaient un peu ce sentiment de temps à autre qu'ils étaient marginalisés par les Turcs. Et il y avait aussi une autre raison, c'est-à-dire que la Mecque était en fin de compte un peu isolée, n'avait pas les possibilités de s'épanouir. Et en plus aussi, il y avait des inconvénients assez importants, comme le fait qu'à l'époque, les non-musulmans n'étaient pas censés rentrer dans la ville. Donc vous voyez qu'il y avait des limites et on ne peut pas vraiment décrire cette ville comme une ville cosmopolite, étant donné ces circonstances. Mais le cas vraiment important sur lequel il faut bien sûr revenir, c'est le cas de Constantinople ou devenu Istanbul plus tard. Alors vous voyez que avec Constantinople, on est déjà dans un cas assez curieux, assez dramatique, qui se ressemble un peu à quelques-unes des villes de l'Inde portugaise. Si on fait la comparaison strictement d'un point de vue géographique, on peut comparer Constantinople à deux villes, à Malacca, précisément parce que Malacca avait le contrôle sur le détroit de Malacca. Et c'était à cause de ça que ça a toujours joué d'une certaine importance stratégique. Mais il y a aussi une autre ville qui a une certaine ressemblance, qui est la ville de Hormuz, conquis par les Portugais en 1515, et ça, c'est parce que Hormuz contrôle, en quelque sorte, le passage dans le golfe Persique. C'est l'île de Djaroun, qu'on appelle aussi Hormuz, ou on appelle le royaume parfois Hormuz et l'île Djaroun. Et le cas de Constantinople, en quelque sorte, c'est encore plus dramatique d'un point de vue strictement géographique. Rappelons qu'il y a même deux contraintes très fortes par rapport à Constantinople. Il y a bien sûr le Bosphore, c'est-à-dire le passage entre la mer de Marmara et la mer Noire. Mais il y a aussi, en arrivant de la Méditerranée, il y a aussi cette autre contrainte assez forte qui sont les Dardanelles. Il y a donc les Hellespont qui fait qu'accéder même dans les deux sens, c'est une espèce d'exploit. Et donc, de ce point de vue-là, cette location fait de Constantinople déjà quelque chose d'assez intéressant, d'assez dramatique. Et donc, quand on revient vers l'époque des Byzantins, bon, c'est très important de se rappeler de ça, même si ce n'est pas un aspect que je vais beaucoup développé aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il y avait toujours cet aspect stratégique d'une présence comme une espèce de point de passage qui fait que cette ville est une ville assez spécifique, assez dramatique. C'est pour cela d'ailleurs que même au XVIIe siècle, cette ville sera célébrée, par exemple, par des poètes indiens qui vont dire, bien sûr, on a des grandes villes en Inde, mais il n'y a rien que se compare à Constantinople, à Constantinie, comme on l'appelait à l'époque, parce que le mot Istanbul n'était pas tout à fait courant, par exemple, en Inde. Alors, c'est quoi donc cette ville? Rappelons-nous rapidement de ces aspects de la ville. Donc, une ville assez curieuse. Il y a donc le Bosphore, il y a la ville qui reste en quelque sorte la ville stable pendant des siècles, et puis il y a cet aspect assez curieux, assez spécifique de la Corne d'Or, qui sépare la ville proprement dite de l'autre côté qui s'appelle, qui a des noms différents, souvent ça s'appelle globalement Galata. Aujourd'hui, il y a une partie de ça qui s'appelle Beyoğlu, mais Beyoğlu, en fait, ça reprend exactement la même région qui était autrefois ce qu'on appelait, et on va revenir sur ça, Pera. Donc, qui était là où la présence européenne était centrée, par exemple, pendant le 15e, 16e, 17e siècle. Alors, donc, regardons rapidement la chronologie, même si c'est quelque chose de très connu. Donc, ville fondée plus ou moins au 4e siècle, inaugurée en 330, qui va continuer à s'épanouir pendant quelques siècles. En 537, ce monument qui reste quand même, qui marque un peu l'image de cette ville, qui est la Sainte-Sophie, est achevé en 537. Et déjà, depuis presque les débuts de l'islam, Constantinople fait l'objet des attaques par les Arabes qui trouvent que c'est une ville qui serait très intéressante à prendre et faire le leur. Il y a donc une série d'attaques arabes, par exemple celle de 673-77. Ce sont des épisodes sur lesquels parfois on a très peu de ressources, mais Néanmoins, ce sont des moments qui sont mentionnés. À part les Arabes, bien sûr, il y a aussi des attaques venant des Bulgares. Il y a des attaques venant aussi parfois des Russes. Et donc, c'est une ville qui a su, presque depuis sa naissance, résister à une série d'attaques, une série de sièges. Mais c'est aussi une ville qui très vite devient une ville importante pour le commerce de court terme, mais aussi pour le commerce de long terme. Donc, déjà à la fin de l'11e siècle, les Vénitiens vont obtenir des privilèges commerciaux pour s'installer dans cette ville, mais aussi les Génois, progressivement, deviennent des partenaires importants des Byzantins. Puis, il y a ce moment très connu, c'est ce moment dramatique qui est la prise de Constantinople, sur lequel il y a toujours un peu de controverse. Encore aujourd'hui, la papauté est obligée de s'excuser auprès de l'Église orientale pour cet épisode des croisés qui se sont très mal comportés et qui ont donc pris Constantinople en 204 dans le cadre des croisades. Par conséquent, donc, les Byzantins sont obligés de abandonner la ville, mais ils vont donc revenir avec Michel VIII Paléologue en 1261, qui vont donc reprendre la ville et stabiliser cette ville à peu près pendant un siècle, mais cette ville devient progressivement de plus en plus petite. Et donc, finalement, quand c'est pris par les Ottomans en 1453, on va voir que c'est une ville qui est assez réduite par rapport à ses heures de gloire. Voilà, donc, regardons ce qui est cette ville plus ou moins à la fin de l'époque byzantine et au moment quand ça sera pris par les Ottomans. Il y a une forte présence des Italiens déjà à l'intérieur, même pour, par exemple, dans la défense de Constantinople en 1453, les Italiens vont jouer un rôle relativement important. Il y a des fortifications qui restent assez importante de deux côtés. Il y a aussi quelques murailles du côté de Galata. Et puis, il y a ces éléments, la Sainte-Sophie, l'Acropolis. Il y a, bien sûr, aussi les limites de la ville où, apparemment, à l'époque byzantine, on ne croyait pas qu'il y avait le tombeau de quelqu'un qui était très important au début de l'histoire de l'islam, mais puis les Ottomans ont décidé qu'il y avait un lieu de pèlerinage pour les musulmans qui était sur, à la fin de la Corne d'Or, un endroit qui s'appelle Ayyub. Ayyub qui était un des soi-disant compagnons du prophète. Et puis, il y avait un moment assez, qui a duré assez longtemps, quand les Ottomans ont progressivement encerclé cette ville était devenue de plus en plus isolée et ça explique aussi en partie que ça a été de moins en moins populé au cours de la fin du 14e, début du 15e siècle. Et finalement, comme je vous ai dit, c'est pris par les Ottomans au milieu du 15e siècle, ce moment donc où l'Empire byzantin, là vous voyez la version déjà réduite et puis ça sera encore plus réduit. Donc, ici, une version assez schématique de la chute. Vous voyez les différents groupes qui ont voulu défendre la ville, parmi lesquels donc, il y a des membres de la famille royale, mais il y a aussi des Catalans, il y a aussi des Italiens comme les Trevisano, les Bocchiardi, les Giustiniani, donc il y a les Contarini. Vous voyez qu'il y avait ces Italiens qui se sont impliqués d'une façon assez importante, à la fois dans les opérations navales, mais aussi en défendant les murs de l'intérieur. Et enfin, donc, la conquête par les Ottomans. Alors, la conquête par les Ottomans est un moment à la fois très dramatique, mais aussi qui marque un certain nombre de choses qui sont assez mal comprises, même aujourd'hui, parce que souvent, on a tendance de relire cette histoire de ce qui s'est passé au milieu du XVe siècle à partir des sources plus tardives. Il y a bien sûr des sources contemporaines portant sur la conquête, Mais les Ottomans ont en fait refait un peu cette histoire. Il y a des générations successives de chroniqueurs ottomans qui ont repris la question de la conquête. On sait qu'il y avait un certain niveau de destruction, mais on sait aussi que dans certains cas assez célèbres, comme celui-ci, il y a un certain niveau de continuité, c'est-à-dire on a gardé et on a réutilisé les bâtiments. C'est exactement le même genre de choses qu'on a trouvé quand le passage était de l'autre côté, c'est-à-dire quand c'était des villes musulmanes qui deviennent des villes chrétiennes. Alors donc, bien sûr, la Sainte Sophie, la Hagia Sophia, qui est transformée en mosquée, mais tout en gardant des éléments importants qui restent et qui vont d'ailleurs, et on verra ça, même inspirer les Ottomans pour des bâtiments qu'ils vont bâtir postérieurement. Alors donc, vous avez ça, mais regardons donc ce qui est la population de Constantinople en 1453. On dit 50 000. Mais c'est probablement optimiste, c'est probablement même moins que ça, même que 50 000. Mais regardons ce qui se passe. En 50 ans, ça passe de 50 000 à 200 000. Et pourquoi? Parce que, bien sûr, la première capitale importante des Ottomans était Bursa. Et ils avaient donc passé leur centre administratif de Bursa à Istanbul. Donc ça a contribué à la croissance de la ville, mais aussi ils ont fait venir de plus en plus de marchands, de plus en plus d'artisans, etc. Et en fait, c'est une croissance qui va continuer d'une façon encore plus dramatique. Donc, on passe de 1530 de 200 000 à 400 000. Et là, si vous vous rappelez des chiffres qu'on a pour les villes européennes, c'est quand même très impressionnant, 400 000 en 1530. Ça fait plus que quatre fois Lisbonne qu'on a étudié. Et puis, ça continue. C'est un million à peu près à la fin du XVIe siècle. Par la suite, il y a un moment pendant le XVIIe siècle et pendant une partie du XVIIIe siècle quand on va à peine maintenir ce niveau. Donc, disons que la fin du XVIe, début du XVIIe est en quelque sorte l'apogée. Et puis, regardez pour la comparaison, ça sent que, donc, à cette époque-là, Constantinople, ça fait 5 fois Londres, 2 fois et demi Paris, à peu près. Donc, au cours d'un siècle, ça s'est transformé vraiment en quelque sorte. Si on prend, la moitié occidentale de l'Eurasie, c'est devenu, en fait, la ville dominante. Si on prend la moitié orientale de l'Eurasie, bien sûr, il y a des villes concurrentes comme des villes chinoises ou quelques villes indiennes, bien sûr, ce sont tout à fait comparables. Alors, où commence donc cette transformation? Il y a plusieurs façons d'aborder la transformation, mais en fait, la façon la plus évidente, c'est en commençant par la construction de centres du pouvoir. Le centre pouvoir, donc, qui est le Topkapısaray, qui n'était pas appelé le Topkapısaray, c'était appelé le Nouveau Palais. Le Nouveau Palais, parce qu'on est venu de Bruce, et donc on a abandonné plus ou moins un palais pour venir vers un autre. Et là, vous voyez, à gauche, c'est la première porte, et à droite, c'est la deuxième porte. À partir de la deuxième porte, on rentre vraiment à l'intérieur de la structure. Et là, vous voyez plus ou moins comment ça se présente, la structure qui a été achevée plus ou moins avec quelques détails improvisés après, à la fin du XVIe siècle, mais en fait en grande partie dans la deuxième moitié du XVe. Donc, c'est le demi-siècle après la conquête quand on va effectivement construire ce complexe, et ce complexe qui est assez curieux et, je dirais, assez original par rapport à presque toutes les autres grandes villes musulmanes de l'époque. Donc, ça, c'est une espèce de modèle où vous voyez comment le Topkapı est construit. C'est construit sur une série de cours. Et donc, en passant de l'extérieur vers l'intérieur, ça devient de plus en plus inaccessible, de plus en plus difficile à passer. Et finalement, ça va avoir un effet très important, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et là encore, il faut se garder d'un certain type d'anachronisme qu'on pratique parfois en prétendant que certains des aspects de la vie de ce palais et le rapport entre le palais et la ville qu'on voyait en fait à la fin du XVIIe siècle, parfois on fait comme si c'était déjà comme ça au XVe ou au XVIe siècle, et je vais revenir sur cette question parce que c'est manifestement pas le cas. Alors donc ce palais qui est assez hybride dans ses éléments, qui puise en partie dans des constructions qui viennent d'ailleurs en Anatolie, qui puise en partie des exemples ailleurs dans le Moyen-Orient, bien sûr, mais on peut aussi penser qu'il y a un peu d'influence balkanique, disons que l'influence européenne, comme on verra dans d'autres structures ottomanes, c'est probablement moins présent à ce moment du 15e siècle. Mais c'est sûr et certain qu'on a aussi utilisé des éléments venant des Byzantins. Rappelons-nous que après la chute de Constantinople, Mohammed, le conquérant, a pris dans son entourage quelques princes byzantins. Il a pris au moins deux neveux, si je ne me trompe pas, de dernier empereur. Ils ont été convertis et ils sont devenus donc des hauts fonctionnaires ottomans, parmi lesquels un est plus ou moins devenu un vizir très important. Donc, on a voulu préserver justement cette continuité entre l'élite byzantine et l'élite ottomane. Alors, donc, il faut se garder de prendre ce genre d'image qui est vraiment la cour ottomane au XVIIIe siècle. Hein. On est dans un cadre hautement ritualisé où, en quelque sorte, l'empereur ottoman se cache vraiment dans l'extrême intérieur du palais. Il fait en sorte qu'il est... c'est très, très difficile d'accéder à lui. Et parler avec lui, c'est encore plus difficile. Et donc, il faut se garder de l'idée que ça, cette image, qui est une image tout à fait crédible pour le XVIIIe siècle, c'est la façon dont le palais fonctionne par rapport à la ville, par exemple, à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Et en fait, cette évolution est très, très bien expliquée dans un article que globalement, pas seulement par moi, mais en général, est considéré comme un grand classique sur le sujet, qui est de l'historienne turque Gülru Necibolu, qui fait une comparaison entre les trois palais et les trois styles de fonctionnement des Ottomans, des Safavides et des Moghols, où elle explique qu'en réalité, il y a un changement pas très rapide, mais finalement assez dramatique dans la manière de la construction, comme elle dit, du regard, mais ici le regard c'est aussi le rituel et le fonctionnement des Ottomans, disons, entre le moment de la construction de Topkapı, qui est pour l'essentiel, le premier moment de la construction, c'est entre 1459 et 1479, hein, donc trois décennies plus ou moins après la conquête. Et donc, elle essaie de nous démontrer comment, en réalité, au début, disons, au 15e siècle, début 16e siècle, à l'époque de Mehmed le Conquérant, ou à l'époque de Selim, en fait, la cour ottomane était structurée d'une façon assez informel. Les rituels étaient plutôt limités et il y avait un aspect qui était très important, c'est-à-dire que le sultan bougeait sans cesse. Le sultan était vraiment quelqu'un qui était très actif militairement. Mohammed, bien sûr, a lui-même participé dans la conquête de la ville et Selim a participé dans la conquête, par exemple, de l'Égypte et de la Syrie, etc. Et d'ailleurs, pendant tout le XVIe siècle, le sultan est toujours en mouvement. Et le mouvement du sultan, en fait, ça fait partie du rythme de la ville. Mais progressivement, ça va changer. Alors là, par exemple, on est toujours au XVIe siècle. Hein, ça, c'est la chronique illustrée de Sayyid Lokman, de la deuxième moitié du XVIe, où il nous montre encore une fois, là, c'est le moment quand le sultan de la fin du XVIe siècle, il organise un peu sa cour, mais par la suite, il va partir, hein, organiser des campagnes. Dans ce cas particulier, c'est en Hongrie. Hein, donc, il part en Hongrie vers la fin du XVIe siècle. Et en fait, si on regarde cette chronique, sans cesse, il y a des va-et-vient du sultan. Et souvent, le sultan n'est même pas présenté dans son palais, il est présenté ailleurs, par exemple, dans les banlieues d'Istanbul. Et ce sultan, donc, est quelqu'un qui est très souvent aussi vu par ses sujets ailleurs que dans le palais. Donc, le sultan Soleiman, par exemple, il a été physiquement vu par beaucoup de gens sur les routes des campagnes, à la fois vers l'Orient, parce qu'il est parti en campagne en Irak, quelquefois, et puis surtout quand il faisait ses campagnes en Transylvanie, en Hongrie, et etc. Alors, donc ça, c'est le premier moment, mais puis, progressivement, les choses vont changer. Donc, je vais revenir sur ces changements, mais remarquons que on est en train donc de construire et solidifier le Topkapı et qui était un palais assez curieux parce que ça surplombe la ville. Et nulle part ailleurs, par exemple, dans le monde iranien, la ville capitale, si vous regardez Isfahan par exemple, le rapport physique entre le palais et la ville, c'est tout à fait autre. On est dans un niveau qui n'est pas du tout cette espèce de niveau qui passe de haut en bas. La même chose pour les grandes villes mogholes, si on regarde Agra, puis si on regarde Shahjahanabad, Delhi, il n'y a pas du tout ce genre de rapport. Et d'ailleurs, il faut remarquer que si on va vers l'époque byzantine, les Byzantins non plus n'avaient pas ce genre de rapport. C'était le palais byzantin n'était pas là où se trouve le Topkapı. En fait, c'était plus vers le sud. C'est vers aujourd'hui on trouve la zone de Sultan Ahmed, la mosquée bleue. C'est là, plus ou moins, où il y avait le complexe royal des Byzantins. Collège de France et France Culture vous présentent Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale, 16e-18e siècle, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui des villes et des empires, Constantinople-Istanbul. Revenons à cette idée de l'évolution. Alors, l'argument, et je trouve ça tout à fait convaincant, l'argument de Mme Necipoğlu, c'est qu'il y a une évolution lente qui va faire qu'au cours du XVIe siècle, il y a toujours une espèce de niveau d'ouverture, mais puis, progressivement, quand on rentre dans le XVIIe siècle, on a un changement dans lequel le sultan se retire. Le sultan se montre presque jamais. On est obligé d'aller à la recherche du sultan si on a envie de le voir. Et en fait, le jeu, c'est en fait de faire en sorte que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de le voir. Donc, il devient une espèce de trésor caché, en quelque sorte. Tandis qu'autrefois, il était celui qui se promenait un peu partout. Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut aussi suivre l'évolution de cette ville. Et on a la chance que au cours du XVIe siècle, il y avait une série de chroniqueurs assez connus qui ont décrit l'évolution de cette ville, mais je vais m'arrêter un moment sur un personnage assez extraordinaire qui maintenant est devenu l'objet d'un certain niveau d'attention, qui nous aide à comprendre ce qui se passe et comment cette évolution se fait entre ville et palais. Et ça, c'est Matrakçı Nasır. Alors, Matrakçı Nasır, c'est quelqu'un qui c'est un espèce de type de personnage assez caractéristique du XVIe siècle. Il est normalement considéré comme un des trois ou quatre grands intellectuels de la ville au XVIe siècle. Celui qui est plus connu que lui vient d'un autre milieu entièrement, c'est Piri Reis. Piri Reis, qui était l'amiral ottoman, mais Piri Reis était donc plus ou moins lié avec Galata, et il était lié avec les milieux des marins. Mais c'était un homme libre. C'était quelqu'un qui venait d'une famille, probablement, qui avait quelques personnes d'une importance religieuse. Mais Matraque Tsunasu, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle le système de Devshirme. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il appartient à ces jeunes hommes chrétiens qui, chaque année, étaient livrés au palais. Tout cela, ça posait problème du point de vue de juridique, parce que techniquement, si, même si on est chrétien ou juif, si on est sujet d'un roi musulman, si on est aimé, on est protégé. Mais les Ottomans avaient fait une exception à cette règle en disant que dans certaines provinces où il y avait des chrétiens, des villages étaient obligés de livrer quelques jeunes hommes chaque année, et ces gens-là étaient pris dans le palais en tant qu'esclaves, en tant que kol, comme on l'appelait. Et puis, ils étaient formés en lettres, et bien sûr, ils étaient convertis, donc ils devenaient musulmans. Ils étaient formés en lettres, ils étaient formés en armes, ils savaient aussi manipuler l'épée et la plume. Et Matraque Tsunasu, c'est en fait un très bon exemple de ça. C'est un Bosniaque d'origine chrétienne, mais qui rentre dans ce qu'on appelle l'Enderun, l'intérieur du palais. Il est formé là et il est quelqu'un, manifestement, qui avait beaucoup de talent. C'était quelqu'un qui pouvait écrire des chroniques. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la construction militaire. C'est quelqu'un qui s'intéressait aux jeux. En fait, ce nom, c'est un nom assez curieux parce que matraque, en fait, c'est le même mot que le mot en français matraque. C'est parce que, en fait, il avait inventé un jeu qui se faisait avec des espèces de marteaux. C'était une version, si j'ose dire, turque de cricket du XVIe siècle. Mais à part ça, il était aussi quelqu'un qui était un très très bon dessinateur, qui souvent faisait des dessins en suivant les campagnes des Ottomans. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est par rapport à la présence des flottes ottomanes dans la Méditerranée occidentale. Il y a deux ou trois de ces images. Celle-là, il se peut que ça serait la flotte ottomane près de Toulon, à l'époque de Khalid-ed-Din Barbarossa. Mais c'est aussi quelqu'un qui est devenu spécialiste des villes. Donc, qui faisait des dessins extrêmement détaillés des villes. Et l'image qu'aujourd'hui est la plus associée avec lui, ça, c'est donc sa version d'Istanbul. Vous voyez, ça veut dire, en effet, ça, c'est Istanbul, et ça, c'est l'autre côté. Donc, c'est la corne d'or entre les deux. Alors, en fait, on peut magnifier cette image. Et en faisant ça, on voit vraiment des détails de chaque quartier. De chaque quartier, de toutes les grandes mosquées, de tous les grands madrasas. Donc, en fait, ce n'est pas fait selon, disons, les schémas de la cartographie occidentale, mais c'est vraiment une carte qui a envie, en quelque sorte, d'être très, très précis, très, très réaliste. Et maintenant, petit à petit, les spécialistes de l'architecture et de l'organisation de la ville dans le monde ottoman ont commencé vraiment à apprécier l'importance de cette carte. Vous voyez ici le Topkapı Saray. Mais à l'intérieur, donc, on peut commencer à voir vraiment chaque monument qui a été construit. Là, on est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, comme il est mort en 1564, c'est probablement vers les années 50 ou au début des années 60 que cette carte a été achevée. Il a d'ailleurs aussi fait d'autres cartes beaucoup plus jolies. Ça, c'est lié avec un atlas qu'il a fait en suivant les campagnes orientales de Soleiman vers l'Irak. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc en regardant ces cartes? Manifestement, les versions qu'il a des villes de la Méditerranée sont beaucoup plus jolies et beaucoup moins soucieuses d'être précis. Mais en tout cas, dans le cas d'Istanbul, il a vraiment pris énormément de soins. Et il s'avère donc, du coup, qu'il est le premier qui devient un grand témoin d'une intervention qui est en train de se préparer à ce moment dans cette ville-là. Et cette intervention, c'est due en partie au moins à ce monsieur, Sinan, qui s'appelle parfois dans l'historiographie des Ottomans Mimar Sinan, l'architecte Sinan. Sinan qui, donc, on n'est pas absolument sûr, mais il a vécu à peu près 100 ans, des années 1480 jusque dans les années 1580, et qui est donc le plus grand architecte de son époque. Sur Sinan, il y a quelques mystères. On sait que, comme Matrakchinesu, il était d'origine chrétienne. Probablement arménienne, mais il se peut, il y a aussi une petite possibilité qu'il soit grec. Mais de toute façon, il était chrétien, devenu musulman. Et puis, il est, progressivement, il est devenu celui qui a été chargé des projets les plus importants à Istanbul, mais aussi dans d'autres villes, comme Edirne, par exemple. Mais on peut compter ces constructions. Et si on commence à vraiment faire la liste de ces constructions, ça fait, il y a littéralement des centaines et des centaines de monuments qu'il a construit lui-même ou qu'il a été chargé de faire construire par ses disciples et par d'autres. Là encore, on a la chance d'avoir donc un livre de la même auteur, Madame Necipoğlu, portant sur lui. Mais on a aussi cette chance qu'il a laissé des autobiographies. En fait, il a laissé deux autobiographies plus ou moins complètes et puis trois fragments d'autobiographie. Et voici donc texte et traduction de ces cinq textes pénants du XVIe siècle, dans lequel il explique une série de choses. Il explique, par exemple, des raisons pour un certain nombre de ses choix. On voit aussi quels étaient les monuments que lui, il considérait comme importants et quelles étaient les choses qu'il considérait comme relativement mineures. Il nous dit effectivement qu'il y a eu, il a eu un long moment d'apprentissage, mais c'était vraiment à partir, disons, des années 40 que sa carrière a vraiment démarré, et c'est là où il a fait construire des monuments dont il était vraiment fier, à Istanbul et à Edirne. Et parmi ces monuments, vous avez le Soleimaniye, peut-être le monument après Hagia Sophia, le plus reconnaissable d'Istanbul, donc qui est la fondation associée avec Suleiman, qu'il a déjà commencé à construire pendant le vivant du sultan. Mais il a aussi construit vraiment énormément de choses. Chacun a ses préférences. Moi, j'ai toujours aimé ce petit mosquée-là, qui est le Kilij Ali Pasha Jami, qui est un peu qui est près du Bosphore. Mais on peut choisir parmi au moins une belle quinzaine de ces monuments dans Istanbul, pour ne pas parler d'autre part. Et en fait, c'est la transformation d'Istanbul par Sinan qui en partie est documentée cette carte de Matrakchinesu. Alors, est-ce qu'il faut donc voir Istanbul comme quelque chose qui est une ville isolée, qui n'a pas de contexte, qui n'a pas des alentours? Bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne peut pas faire une analyse à la Skinner. Vous voyez qu'on avait vu dans le cas chinois comment il y avait cette théorie de la ville organique qui pousse de haut en bas. En fait, il y a une espèce de manque de proportion dans le cas d'Istanbul. Mais néanmoins, rappelons-nous, ça c'est plus ou moins la situation dans l'Anatolie au XVIe, début du XVIIe siècle. Là, vous avez Istanbul, et vous voyez la taille relative de ces villes, qui est la seule ville qui fait 500 000 habitants. Mais puis, vous avez quelques autres d'une taille plus modeste. Par exemple, Izmir, qui va devenir important au XVIIe. Vous avez Kayseri, etc. Mais en réalité, il y a une espèce de disproportion entre cette ville, finalement, et ses alentours. Il y a toujours des disproportions entre les villes capitales et les villes qui les entourent, mais dans ce cas-ci, c'est particulièrement exagéré. Alors, comme pour aborder cette question de la ville dans le contexte, il y a en fait au moins deux façons de faire ça, parmi d'autres, il y a peut-être encore cinq ou six, mais je vais choisir ces deux. Une façon d'aborder Istanbul, que ça a été fait par un certain nombre de personnes, était en utilisant un concept qui vient de l'anthropologue Karl Polanyi, qui est de le voir comme ce qu'on appelle un port de commerce, un port of commerce. Ça, c'est un texte classique de Polanyi qui remonte aux années 1950. Ça a été traduit en français sous un titre un peu difficile à comprendre. Mais en tout cas, dans cet article, Polanyi a proposé que parfois, il y avait des villes qui, en fait, étaient presque totalement redevables à leur situation extraordinaire. Parce qu'elles étaient dans une zone de transition, soit une zone de transition écologique, soit une zone de transition géographique. Et vous voyez que bon, si on pense aux origines des Dardanelles et aux origines du Bosphore, bien sûr qu'il y avait probablement quelque part dans le passé très distant des événements sismiques qui sont derrière ça. Mais de toute façon, on peut voir ça comme une espèce de localisation géographique assez extraordinaire, comme par exemple pour Polanyi, la transition entre par exemple le monde désertique et le monde de montagne qui pouvait produire un port de commerce. Donc ça serait une façon de voir une ville comme Istanbul. Mais il y avait aussi un autre point de vue, et ce point de vue est celui du plus grand historien ottoman probablement du XXe siècle, Halil Inalcık, qui lui a proposé que en fait la ville était très peu une ville qui était comment créée de bas en haut. Il a donc voulu nous dire que, je pense qu'il puisait un peu dans la littérature sur l'Union soviétique, pour lui, cette ville faisait partie de ce qu'il appelait une économie de commandement. Donc, il a donné énormément d'importance à l'intervention de l'État ottoman. Donc, pour lui, cette ville était en quelque sorte la créature de l'État ottoman et il y avait peu d'éléments qui étaient vraiment autonomes par rapport au fonctionnement de l'État. Et là encore, on revient donc en quelque sorte à cette histoire de la tension entre État et ville, ou si vous voulez, palais et ville. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée du palais qui surplombe la ville, pas seulement littéralement, mais en quelque sorte, c'est un effet vraiment de contrôler la ville, de déterminer en quelque sorte le destin de la ville. C'est une question, par exemple, qui est étudiée dans ce livre relativement récent par trois auteurs où on essaie de comparer Istanbul avec Izmir d'un côté et Alep de l'autre côté, en faisant donc cette comparaison entre les villes qui sont plus ou moins commerçantes, hein, en quelque sorte. Alors, en fait, à mon avis, ce rapport difficile entre palais et ville, c'est même, on trouve des réflexions même dans ces deux livres de l'auteur turc le plus connu de nos jours. Si vous avez lu le nom de la Mon nom est rouge, alors là, il y a toute cette question des peintres qui sont dans le palais, qui font des va-et-vient entre un palais devenu très inaccessible, et puis il y a aussi derrière ça toute la question de l'ouverture vers l'Occident par rapport à un monde habité par ces peintres, dont certains, selon Orhan Pamuk était très islamiste déjà au XVIe siècle. C'est un beau roman, mais même si M. Pamuk a étudié avec les meilleurs historiens ottomans de sa génération dans le Boğaziçi University ou Robert College, il faut dire que les historiens ottomans ne sont pas du tout contents avec ce roman. Ils pensent que c'est une version, un portrait assez faux de ce qu'était la ville au XVIe siècle. Beaucoup mieux, ce sont ses propres souvenirs de la ville où il parle d'une ville au XXe siècle qu'il connaît plus directement. Alors, donc, avec cette fascination toujours exercée par le grand Turc qui se cache, qui est quelque part sur la ville, qui regarde sans être regardé, ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une espèce de topos quand on arrive à la fin du XVIIe siècle. Ça fait partie de ces, ces vues d'Istanbul qui sont peut-être les plus célèbres de l'époque moderne de Grelo, qui ont donc accompagné les récits de voyage. Là encore, vous voyez, c'est à partir de Pera, à partir de Galata, qu'on est en train de regarder le sarai, comme on le dit. Même si Grelo était un connaisseur qui nous a laissé des dessins, par exemple, ça c'est la Sainte Sophie, ça c'est une espèce de dessin ethnographique. Il a même fait un très beau dessin, très détaillé du plan et de la construction de la mosquée bleue de Sultan Ahmed Jami. En réalité, il a beaucoup contribué à cette vision très, très particulière. Tandis que, en revenant sur l'idée de Gulru Najibullah, son idée c'est que, en fin de compte, cette ville où le sultan s'est retiré, c'était en fait le résultat d'un processus politique. Et c'était quoi? C'était que, donc, tout au long de la deuxième moitié du XVe siècle, tout au long du XVIe siècle, le sultan était parfois dans le palais, mais souvent il était en dehors du palais. Il était souvent parti en campagne. Puis, il y a eu un moment très important, au début du XVIIe siècle, quand il y a eu des assassinats. Quand on a assassiné des sultans. Puis, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de changement dans les rapports de force. Le sultan devient de plus en plus faible. Celui qui prend le pouvoir, ce sont des familles de vizirs. Et, en effet, les familles de vizirs, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé de garder les sultans à l'intérieur du palais comme des sultans, en quelque sorte, privés de pouvoir, mais devenus de plus en plus mystérieux. En quelque sorte, ils ont joué sur une idée qui était une idée d'un maître spirituel. Et vous voyez que Istanbul était aussi une ville qui était remplie de loges soufis. Et alors, dans le cadre des maîtres spirituels, il y a toujours cette possibilité du maître spirituel qui est d'autant plus impressionnant qu'il ne parle pas. Comme il ne parle pas, il faut des gens entre lui et les disciples pour interpréter ses silences. Et donc, on peut, à ce moment-là, créer de plus en plus de couches à l'intérieur du palais, et là, donc, c'est là où finalement cette structure qu'on a des cours suivis par des cours, le sultan qui se cache tout à fait au fond revient. C'est là où on a finalement ce sultan qui apparaît vraiment très très rarement et dans des cérémonies où personne, par exemple, est censé parler avec lui. Mais ça, c'est un processus historique qui est en fait le développement du XVIIe siècle. Et c'est là, à ce moment-là, que, en quelque sorte, ce rapport très curieux entre, pour ainsi dire, un sultan barricadé, mais aussi, soi-disant, avec énormément de pouvoir, mais en réalité presque dépourvu de pouvoir parce que c'est des autres qui détiennent le pouvoir, que ça devient de plus en plus évident. Et c'est pendant ce XVIIe siècle, d'ailleurs, qu'on a la chance d'avoir une série de témoignages, parce que le XVIIe siècle, pour l'histoire intellectuelle ottomane, c'est quand même le grand siècle, probablement plus que le XVIe. C'est le moment quand on a une vie intellectuelle qui est beaucoup plus poussée. Du côté des Ottomans, on aurait pu mentionner beaucoup, beaucoup de noms, mais j'ai choisi ici deux des plus grands noms, Evliya Çelebi et Katip Çelebi, qui étaient tous les deux en fait, en quelque sorte, ils n'étaient pas des amis, mais ils avaient des amis en commun, ils avaient des maîtres en commun. Evliya était quelqu'un qui venait des origines relativement humbles. Il venait d'un contexte d'artisan, mais il est devenu le plus grand voyageur et qui a écrit le plus grand texte en termes de récits de voyage de l'Empire ottoman. Il a voyagé un peu partout. Il y a quelques voyages imaginaires, il faut le dire. Il parle, par exemple, de ses voyages en Europe occidentale et on a vraiment des graves doutes s'il a fait ses voyages. Mais à l'intérieur du monde des Ottomans et leurs voisins, il a certainement beaucoup voyagé. Il a laissé donc cet énorme texte qui s'appelle Seyahatname. Et l'autre, Katip Çelebi, est un personnage encore plus extraordinaire, une espèce de polymathe, mathématicien, astronome, géographe, qui a fait des atlas, qui lisait les écrits des jésuites sur le Japon, qui connaissait très bien, par exemple, les batailles navales des Ottomans avec les Portugais au XVIe siècle, et donc qui a été en fait parmi les premiers auteurs ottomans qui a été traduit systématiquement dans une langue occidentale. Il a été traduit en latin, déjà quelques décennies après sa mort. Donc ces deux, mais on peut multiplier, mais c'est aussi donc à cause de cette vivacité de la ville, cette vivacité intellectuelle de la ville, que ça devient une espèce de pôle d'attraction pour les Occidentaux. Alors, bien sûr, je n'ai pas besoin ici de dire beaucoup de choses sur Galen. Galen, en fait, si on regarde le cas de Galen, nous a laissé un journal des deux ans qu'il a passé à Istanbul en 1672-1673. C'est un journal qui est très, très intéressant parce qu'il parle de son quotidien, comment il a appris le turc, comment il a appris l'arabe, avec qui, en parlant avec qui. Et là, vous pouvez vraiment voir la formation de celui qui est devenu, à tort et à raison, le traducteur le plus célèbre de sa génération. Mais, en fait, les deux autres sont encore plus importants. Levinus Warner, un Allemand qui travaillait pour les Néerlandais et qui était donc le représentant néerlandais à Istanbul. Mais, au lieu de faire le commerce, en fait, il achetait des livres. Donc, il était devenu un grand, grand collectionneur et il a donc nous a laissé une très belle collection, une collection qui reste parmi les plus importantes du XVIIe siècle pour le monde ottoman. Il a donc légué en partie à l'Université de Leyde, mais qui est aujourd'hui en partie en Angleterre. Et puis, il ne faut pas oublier cet autre personnage assez curieux, assez important, qui est le comte Marsilier de Bologne, qui a été prisonnier des Ottomans, mais qui néanmoins avait énormément d'admiration pour eux, qui était lui spécialiste de la guerre, donc il a par exemple rédigé un texte sur l'art de guerre chez les Ottomans, mais il a aussi par exemple, il était hydrographe, donc il a fait des études sur le Bosphore, qui était extrêmement important. Et puis finalement, Marsilis est aussi quelqu'un qui nous a laissé une collection très importante de matériaux sur les Ottomans qu'aujourd'hui on trouve à Bologne. Donc, vous voyez que finalement, dans ce XVIIe siècle, si on regarde en dehors de ce rapport entre palais et ville, si on va regarder un peu la ville en tant que telle, la ville où il y avait les guildes, les fêtes populaires, les gens appartenant à toutes sortes de professions, on a même des gens qui sont en train de nettoyer les rues, qui faisait ça comme partie des processions des guildes. Donc, on peut aussi faire avec Istanbul donc cette autre histoire qui vient de haut en bas, qui ne va pas finalement peut-être résoudre le problème de savoir qui avait raison, si c'était cette vision de l'économie de commandement d'Inalchik ou autre chose. Mais en tout cas, c'est une ville qui a suffisamment de richesses qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir le point de vue à partir du palais qui surprend la ville. On a aussi la possibilité de reconstruire une histoire donc, sociale de la ville en tant que telle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 8 février 2017 le cours de Sanjay Subramaniam, Les plaques tournantes de l'histoire globale 16e-18e siècle, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui des villes et des empires, Constantinople-Istanbul. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie, 1500-1750 chez Alma, en 2016, et chez le même éditeur. Je rappelle ses leçons indiennes, itinéraire d'un historien, Delhi, Lisbonne, Paris, Los Angeles, en 2015. » Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, des villes et des empires, nous poursuivrons en compagnie de Sanjay Subramaniam qui nous entraînera à Delhi. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.